Un commentateur du journal coréen Rodon Simun donne le 14 mars un commentaire sur la fin dramatique de Bakunin, démon séculaire. Il écrit, entre autres, « La fin tragique de Bakunin, démon du XXIe siècle, sans pareil dans le monde, montre clairement que celui qui cherche à porter le coup de poignard sur le dos de sa nation du même sang est condamné à la haute trahison et ne peut échapper à la mort. » La fin dramatique de Bakunin fait comprendre correctement que celui qui vend aux forces extérieures la dignité et les intérêts nationaux tout en perpétrant la haute trahison et le servilisme à l'égard des grandes puissances ne peut pas éviter la malédiction et la condamnation de l'humanité avant d'être jeté dans la poubelle de l'histoire. Elle montre la vérité sérieuse selon laquelle ceux qui considèrent le peuple comme chien et porc et qui s'acharnent à s'enrichir aux dépens du peuple sont voués à la ruine devant la résistance agissante du peuple. La fin des traîtres sans pareil, qui n'hésitent rien pour leur ambition de pouvoir, n'est rien d'autre que la mort ignoble, que ce soit père ou fille. La chute du pouvoir de Bakunin est celle du système de Park Chung-hee qui a régné longtemps sur la Corée du Sud, le jugement de l'histoire et la mise éternelle au ban de la société de la famille traîtresse sans précédent, qui a voulu monopoliser le pouvoir et les richesses de génération en génération et fabriquer son royaume. Les Sud-Coréens de tous les paliers sont appelés à mettre un terme à l'infamie de l'histoire politique sud-coréenne à travers la fin du pouvoir de Bakunin pour ainsi ouvrir énergiquement une nouvelle histoire et un nouvel avenir.